Orienté de l'Afrique à l'Orient, du cœur à la musique, loin du fric et c'est tout ou rien. Magic à la compo, Sofiane propose. J'ai de la paire, moi je décompose. Les croque-morts coopèrent avec les médecins, ils ont du tort. Méfie-toi de tous leurs vaccins. Constater nos douleurs chantées. La vie à longue durée, plus gravement à la santé. Et la bêtise est une maladie qui ne part qu'avec la mort. Avec les corps. J'ai du mal à vivre, mal adouci et maladif. Comme même en ici, j'ai mal au cœur. Effectivement, j'ai le mal d'ici. Dur à cœur, j'écris mes textes avec une rose. Le cœur sous du racelle. Mais pas comme le lapin rose, black, blanc et arabe. Gardera cette couleur. Y'a qu'en deux qu'on porte tous les mêmes couleurs. Ça devient chaud comme dans Colors, héritier des colons. Je mate ma vie avec la colère. Assis le cul entre deux Porsches, la Porsche Magnum ou le Magnum tout court, frère. Ronnie,